vous êtes à l'écoute de Radio Agora. Bonjour, vous êtes sur Radio Agora à l'occasion de la dernière initiative du projet Relevons la tête, saison 2, Relevons la tête, qui traite de la question sociale et de ses enjeux. Nous profitons aujourd'hui de l'interpellation et du portage de projet de la Ligue des droits de l'homme de l'Université Paris-Nanterre. Nous sommes donc en présence de Roman pour l'animation. Merci à toi, Roman, initialement porteur du projet du Festival des idées dangereuses, dont tu pourras peut-être nous dire quelques mots tout à l'heure. Donc à partir de ce festival, on a trouvé intéressant de lier le portage de projet de Roman sur la question des lanceurs d'alerte dans le cadre de Relevons la tête. Remerciements également à Jean-Philippe Fogel qui sera présenté par Roman tout à l'heure. Merci à toi d'être parmi nous. Je précise pour terminer cette toute petite introduction que vous avez toutes et tous, chers auditeurs, habitants de Nanterre, rendez-vous pour rejoindre, si vous le souhaitez, le collectif d'animation du projet Relevons la tête saison 3, donc l'édition de 2018, car ce collectif d'animation est fait d'habitants, d'associations, d'étudiants, la preuve aujourd'hui. Ce collectif est ouvert. Nous ferons certainement un détour par mai 68 à l'occasion des 50 ans de cet événement pour la saison 3 du projet. Voilà, j'en ai assez dit. Roman, c'est à toi. Merci beaucoup Gaël pour la présentation. Bonjour à tous. Nous sommes la Ligue des droits de l'homme. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Radio Agora. Comme ça a été dit, à mes côtés se trouve Jean-Philippe Fogel, doctorant et chercheur associé à l'université de Yale aux États-Unis. Bon, je m'appelle Romain Ursu et je préside la section Nanterre Université de la Ligue des droits de l'homme. D'ailleurs, toutes mes excuses pour l'absence de Madame Anne Le Houerou. Elle est enseignante à l'Université Paris-Nanterre, chercheuse en sociologie politique russe et malheureusement absente. Elle ne pourra pas nous honorer avec sa présence aujourd'hui. Donc nous nous sommes réunis quand même à Nanterre dans la maison de l'Agora. C'est un centre municipal de débat et d'initiatives citoyennes pour parler des lanceurs d'alerte. La première question qui me viendra à l'esprit, c'est qui sont les lanceurs d'alerte? Donc pourrais-tu, Jean-Philippe, nous expliquer ce concept en donnant des exemples? Alors, bonjour, merci beaucoup Ursu. La notion de lanceur d'alerte, le problème de la notion de lanceur d'alerte, c'est qu'il n'y a pas de définition universellement admise du lanceur d'alerte. La première fois qu'on trouve la notion de ce qu'on appelle en France le lanceur d'alerte, donc c'est aux États-Unis. On les appelle évidemment pas lanceurs d'alerte, on les appelle whistleblower, donc ce sont les personnes qui soufflent dans le sifflet. C'est une notion qui à la base est portée par des associations. Elle est portée notamment par un avocat américain, un militant américain, Ralph Nader, en 1970. À cette époque-là, il s'agit tout simplement de créer un concept qui permette de décrire des personnes qui dénoncent des choses qu'elles voient, mais qu'ils dénoncent pas pour un intérêt personnel, mais qu'ils dénoncent dans l'intérêt général. Parce qu'à l'époque, ces personnes-là, on ne les dénonçait pas comme des lanceurs d'alerte. Enfin, il n'y avait pas d'appellation positive pour ces personnes. On les appelait snitch, donc des dénonciateurs, des mouchards. Et donc, le concept de lanceur d'alerte, ça vient de là. Alors, pour parler plutôt de l'Europe, en Europe, on a quand même la chance d'avoir une bonne définition, qui est la définition du Conseil de l'Europe, de la recommandation de 2014. Pour le Conseil de l'Europe, le lanceur d'alerte, c'est toute personne qui, dans le cadre de sa relation de travail, signale aux autorités ou divulgue au public des faits qu'il perçoit comme étant contraires à l'intérêt général ou comme étant constitutifs d'une violation de la loi ou comme présentant un risque pour la santé des personnes. Donc cette définition juridique et politique du Conseil de l'Europe, c'est un bon départ pour définir ce qu'est ou n'est pas un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, déjà, c'est une personne, généralement c'est plutôt une personne physique, donc c'est vous et moi pouvons être un lanceur d'alerte. Surtout, le lanceur d'alerte signale ou révèle. Et ça, c'est assez important parce que souvent, si vous allez demander à l'homme, si vous allez dans la rue avec votre micro, que vous demandez à une personne ce qu'est un lanceur d'alerte, la première personne qu'on vous citera, ce sera Edward Snowden. Pourtant, Edward Snowden n'est pas un lanceur d'alerte au sens du droit. Enfin, pour moi, c'est un lanceur d'alerte, évidemment. C'est un lanceur d'alerte pour les militants. C'est un lanceur d'alerte parce qu'il a révélé des violations massives des droits de l'homme, qu'il a créé un débat autour de la notion de vie privée. Mais pourtant, ce n'est pas un lanceur d'alerte au sens de la loi. En réalité, les lanceurs d'alerte ne sont pas forcément des personnes qui vont révéler des faits au public. Le lanceur d'alerte n'est pas forcément là pour informer le public. Dans les lanceurs d'alerte, au-delà des lanceurs d'alerte médiatiques comme Edward Snowden ou comme Stéphanie Gibault ou comme je pourrais citer d'autres noms, il y a aussi des gens, des personnes qui simplement peuvent être des syndicalistes, peuvent être de simples salariés d'entreprise qui vont dénoncer ce qu'ils perçoivent comme quelque chose d'immoral ou d'illégal sur leur milieu de travail. Alors après, en réalité, il y a deux conceptions hein, du lanceur d'alerte. Enfin, c'est ce que plusieurs auteurs appellent la conception démocratique du lanceur d'alerte et la conception managériale du lanceur d'alerte. Aux yeux du public, le lanceur d'alerte, c'est un acteur de la démocratie, c'est quelqu'un qui va révéler des faits contraires à l'intérêt général, c'est quelqu'un qui va révéler des secrets. Donc la conception démocratique du lanceur d'alerte, on la retrouve dans beaucoup de lois, mais surtout des lois qui protègent en réalité les journalistes. C'est notamment le cas aux États-Unis. Il y a un certain nombre de lois, notamment le Whistleblower Protection Act, qui favorise l'alerte au public, parce qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement de la Constitution qui protège le droit de la presse d'informer le public dans l'idée que le public doit être informé de ce qui ne va pas au sein du gouvernement, dans l'idée que le public est aussi une force militante pour mettre fin aux abus des gouvernants. Mais cette conception-là, on ne la retrouve pas forcément dans tous les États. En France, la loi Sapin 2 qui vient d'être adoptée adopte plutôt une conception managériale du lanceur d'alerte. Enfin, je l'appelle managériale parce que dans ce cadre-là, on ne favorise pas la liberté d'expression du lanceur d'alerte parce qu'on pense qu'il y a un intérêt pour la démocratie que le lanceur d'alerte parle. Mais on va encadrer la liberté d'expression du lanceur d'alerte pour parvenir à réaliser des objectifs ciblés. Et dans ce cadre, par exemple, notamment la lutte contre la corruption. La loi Sapin 2, contrairement à ce qui a été souvent dit dans les médias, ce n'est pas une loi de protection des lanceurs d'alerte. C'est vraiment une loi de lutte contre la corruption. Et par ailleurs, on protège les lanceurs d'alerte parce qu'ils peuvent lutter contre la corruption. Dans une démocratie, on a besoin des deux. Hein. Enfin, dans une démocratie, on a besoin de personnes qui révèlent au public des faits dont le public doit être mis au courant. Et à l'inverse, tous les faits que révèlent les lanceurs d'alerte ne doivent pas forcément être portés sur la place publique. Si vous vous rendez compte d'un fait de harcèlement, si vous suspectez un fait de harcèlement sexuel sur votre lieu de travail, vous n'avez pas forcément appelé le monde, vous n'avez pas forcément publié tout sur Wikileaks, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont droit à la présomption d'innocence, qui ont droit à la protection de leur vie privée. À l'inverse, dans les États dans lesquels on n'adopte qu'une conception managériale du lanceur d'alerte, en réalité, dans ce cas-là, le lanceur d'alerte n'est pas forcément une figure de la démocratie. En Russie, en URSS, il y avait du lancement d'alerte, mais c'était un lancement d'alerte vraiment réduit à la dénonciation aux partis de faits illégaux qui avaient lieu dans les différents lieux de travail dans l'Union soviétique. Donc ça, je pense que c'est important de souligner qu'une bonne législation sur les lanceurs d'alerte, c'est une législation qui favorise les deux. Au-delà de cet aspect juridique que tu m'as demandé de donner des exemples de lanceurs d'alerte, le meilleur exemple, c'est déjà Edward Snowden. Edward Snowden, c'est vraiment le bon exemple du lanceur d'alerte. Souvent, ce qui différencie le lanceur d'alerte d'un désobéissant ou d'un simple dénonciateur, c'est que le lanceur d'alerte, d'une part, à l'inverse du désobéissant, ne va pas chercher forcément à changer les choses. Il va dénoncer à un instant T qu'il perçoit comme étant contraire à l'intérêt général. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui, c'est pas forcément un militant politique. Enfin c'est pas forcément un militant politique né. C'est un simple citoyen qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas et qui va le dénoncer. Et c'est pas non plus un dénonciateur parce que le lanceur d'alerte agit vraiment pas pour un intérêt personnel, mais il agit vraiment dans l'intérêt du public. Et là-dessus, Edward Snowden est vraiment un bon exemple. Ben, c'est que d'une part, il a vraiment agi dans l'intérêt général. Il a vraiment dénoncé le programme de surveillance massive des télécommunications. Pour alerter le public, enfin je cite Edward Snowden, pour alerter le public sur ce qui est fait en son nom, mais contre le public. Et surtout, Edward Snowden ne voulait pas forcément, cherchait pas forcément tout de suite à désobéir ou à forcément publier tout ce qu'il avait sur des plateformes comme Wikileaks. Edward Snowden a d'abord essayé d'alerter l'inspection générale de la CIA, qui est censée quand même normalement gérer ce qui se passe mal dans les agences de renseignement. Il en a parlé avec certains de ses collègues. On lui a dit clairement, écoute, en fait, ces lignes-là, elles ne sont pas faites pour régler les problèmes, elles sont faites pour repérer les moutons noirs et pour les harceler. Ce qui est d'ailleurs vrai, parce qu'on le sait assez peu en France, mais avant Edward Snowden, il y a eu beaucoup de lanceurs d'alerte qui avaient dénoncé la même chose qu'Edward Snowden. Ces personnes-là avaient lancé l'alerte en interne. Enfin, on peut donner l'exemple d'un lanceur d'alerte en 2008 qui avait lancé l'alerte sur le même programme qu'Edward Snowden. Il l'a lancé non pas auprès du public, mais il a lancé l'alerte auprès de l'inspection générale de la CIA. Le soir même, ce que raconte Tom Devine, qui est un des grands défenseurs des lanceurs d'alerte aux États-Unis, c'est que le soir même, le FBI est venu chez lui, on a cassé sa porte, le FBI est venu avec des pistolets, il était sous la douche, ils l'ont sorti de la douche, ils ont mis le pistolet sur la tempe, alors qu'il n'avait rien fait de mal, c'est-à-dire il a juste dénoncé quelque chose. Donc Edward Snowden voulait pas forcément désobéir à son institution, il voulait pas forcément être médiatisé, il voulait vraiment, de bonne foi, créer un débat sur la vie privée. Et ça, c'est vraiment ce qu'on, c'est vraiment la figure du lanceur d'alerte démocratique. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui va pas être dans une logique forcément de dénonciation. C'est quelqu'un qui veut alerter le public, qui veut créer un débat. Dans le même type, vous avez aussi Antoine Deltour, qui est vraiment un lanceur d'alerte par excellence. Donc Antoine Deltour travaillait dans une grande entreprise dont on taira le nom au Luxembourg. Cette entreprise-là, son cœur de métier, c'est la fraude fiscale, hein, notamment via les tax rulings. Enfin, le Luxembourg, le cœur de métier de cet État, c'est la fraude fiscale. Hein. Antoine Deltour était quelqu'un de bonne foi. Enfin, j'ai un peu travaillé avec lui. C'est quelqu'un qui est vraiment de bonne foi, qui, à la base, voulait travailler dans cette entreprise en tant qu'auditeur, parce qu'il pensait vraiment qu'auditer au sein d'une entreprise, c'était vraiment aller dans le cadre du bien commun, c'était vraiment garantir la régularité des comptes. Donc c'est pas un trotskiste ou c'est pas un anarchiste ou un autonomiste, c'est pas un militant né, c'est quelqu'un qui simplement a des valeurs. Antoine Deltour voulait aussi essayer de dénoncer d'abord à son employeur ce qu'il voyait, mais le problème c'est que son employeur faisait ça depuis 20 ans et que quand vous travaillez dans ce type d'entreprise et que de toute façon l'entreprise, son cœur de métier c'est la fraude fiscale, vous n'allez pas aller voir votre employeur et dire « Eh oh, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui ne va pas, vous faites de la fraude fiscale », on va lui répondre « Bah oui, c'est ce qu'on fait, oui tout à fait ». Il aurait pu dénoncer au Luxembourg aussi ce qu'il voyait, mais bon, les tax rulings en fait, c'est que c'est l'État du Luxembourg lui-même qui organise la fraude fiscale. Donc c'est assez mal parti aussi pour dénoncer ces pratiques-là auprès de l'État du Luxembourg. Donc il a saisi la presse en dernier lieu parce que c'était le moyen le plus efficace pour remédier à ce qu'il voyait. Effectivement, les révélations de LuxLeaks, ça a entraîné un grand débat dans le cadre de toute l'Union européenne sur la question de la fraude fiscale. Donc ça, c'est les deux meilleurs exemples de lanceurs d'alerte parce que c'est vraiment des personnes, encore une fois, qui cherchent pas, qui sont pas des militants nés, on n'est pas lanceur d'alerte, on le devient, qui n'ont pas eu d'autre choix que de saisir la presse. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est aussi que, on va y revenir, mais la loi Sapin 2, par exemple, la loi Sapin 2 a été totalement trustée par les lobbies. La loi Sapin 2, dorénavant, elle exige que systématiquement le lanceur d'alerte saisisse d'abord son employeur, puis au bout de 30 jours, on peut éventuellement saisir une autorité de régulation, typiquement, par exemple, si c'est dans le cas de la fraude fiscale, ça pourrait être tout simplement la direction du budget et ensuite éventuellement aller devant la presse. Le problème, c'est que le cas d'Antoine Deltour ou de Snowden, ça montre bien que ces personnes-là seraient jamais protégées parce qu'évidemment, ni Antoine Deltour ni Snowden n'auraient pu d'abord saisir leur employeur. Donc voilà, il y a vraiment un décalage. Enfin, ces deux exemples-là montrent vraiment qu'il y a un décalage entre l'image que promeuvent les lois sur les lanceurs d'alerte et ce qu'est vraiment le lancement d'alerte. Donc, comme nous l'avions bien compris, un lanceur d'alerte, comme tu dis, Jean-Philippe, met sa sécurité et son confort en danger afin d'assurer la transparence, bien entendu ce mot, et des institutions publiques ou privées, parce qu'on a plusieurs exemples. Donc, il protège par là, si j'ai bien compris, notre droit au respect des valeurs démocratiques, l'intérêt général, la transparence, comme j'avais dit. Donc, leur rôle semble un peu primordial. Voire important dans la transition démocratique des États. Et moi, je veux bien qu'on se concentre un peu sur la transition démocratique de certains États. J'ai entendu que tu as évoqué l'exemple de la Russie. Donc ma question est dans ce sens, quel est leur apport dans la transition démocratique, en fait ? L'apport du lanceur d'alerte est vraiment essentiel dans le cadre des transitions démocratiques. Si on prend le cas des printemps arabes, par exemple, ça a été des phénomènes extrêmement complexes. Je ne suis pas spécialiste du printemps arabe, mais à la base, beaucoup des révoltes qu'il y a eu dans le cadre du printemps arabe, ça vient des révélations d'une plateforme, entre guillemets, de lanceurs d'alerte. Ça vient de Wikileaks. Les lanceurs d'alerte, dans le cadre de la révolution tunisienne, la révolution tunisienne, ça vient aussi d'un certain ras-le-bol contre la corruption. Beaucoup de faits de corruption ont été révélés par des lanceurs d'alerte. C'est la même chose au Pérou, parce que par ailleurs, quand on parle de transition démocratique, généralement, on parle des trois vagues de transition démocratique, donc Europe de l'Est, Amérique latine et maintenant le printemps arabe et l'Afrique. On peut essayer de voir un peu le rôle qu'ont joué les lanceurs d'alerte dans chacune de ces vagues. En Amérique latine, si on prend le cas du Pérou, mais c'est le cas aussi dans d'autres États, quand Fujimori est tombé en 2004, ça venait d'une affaire de corruption principalement. Cette affaire de corruption, elle avait été révélée par deux lanceurs d'alerte. Et cette affaire de corruption, ça concernait des personnes au plus haut niveau de l'État péruvien. Donc c'est des informations qui étaient vraiment partagées uniquement par un cercle très restreint d'initiés. ces informations-là qui sont vraiment gardées secrètes pour que le public continue à garder confiance en des institutions. Évidemment, il n'y a que des lanceurs d'alerte qui peuvent les sortir du circuit. Et donc déjà, quand on est dans un État autoritaire, pour que l'État autoritaire soit remplacé par une démocratie, il faut évidemment une révolution. Et généralement, c'est le lanceur d'alerte qui va jeter le feu aux poules, c'est-à-dire qui va vraiment révéler les informations qui font qu'au bout d'un moment, le peuple va en avoir assez. Ça a été le cas aussi, comme j'ai dit, en Tunisie. Ça a été moins le cas en Europe de l'Est, mais en Europe de l'Est, par contre, la transition démocratique s'est aussi beaucoup fondée sur les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, la plupart des États d'Europe de l'Est, dont la Roumanie, dont la Hongrie, dont l'Ukraine, enfin l'Ukraine un peu moins, mais enfin la plupart des États de l'Est vont se doter de lois sur la liberté de l'information. Dans ces lois sur la liberté de l'information, on a généralement une protection des lanceurs d'alerte. Dans ce cadre-là, on protège les lanceurs d'alerte parce qu'on considère, d'une part, que dans les États en transition démocratique, il y a aussi des soldes à régler, il y a des violations des droits de l'homme qui ont eu lieu dans le cadre des régimes autoritaires qu'il faut révéler, notamment pour qu'il puisse y avoir un processus de réconciliation. Dans ce cadre-là, le rôle des lanceurs d'alerte est valorisé. Mais le rôle des lanceurs d'alerte est aussi valorisé parce que, ces transitions démocratiques, il ne faut pas être hypocrite, c'est des transitions démocratiques qui sont aussi très influencées par la pression internationale, par la pression notamment des États-Unis, du Département d'État américain, qui a joué un rôle important dans l'exportation de la notion de lanceur d'alerte. La démocratisation, dans ce cas-là, c'est surtout la démocratisation à l'américaine, c'est-à-dire la mise en place d'une démocratie libérale à l'américaine, d'une démocratie fondée sur le modèle américain. Et le modèle américain, qui en soi n'est pas mauvais forcément, c'est que la liberté d'expression est là avant tout pour que le peuple puisse surveiller ses gouvernants. Donc dans ce cadre-là, on met en place des lois sur la liberté d'information pour mettre la pression sur les gouvernants, pour que les gouvernants aient toujours peur d'une révélation. Parce que l'intérêt du lancement d'alerte dans les cadres de démocratisation, c'est surtout que les nouveaux gouvernants qui vont arriver... On part du principe que s'il y a des lois sur la liberté de l'information qui permettent à des lanceurs d'alerte de parler, les gouvernants vont avoir peur de répéter les erreurs du passé parce qu'ils ont peur des révélations. Donc on voit le lanceur d'alerte comme un garde-fou contre le retour des régimes précédents. Il y a un côté hypocrite en fait dans cette notion aussi de démocratisation parce que j'ai lu récemment un article qui parlait de la ségrégation aux États-Unis qui considérait que finalement les années 70 aux États-Unis où la notion de lanceur d'alerte c'est aussi une démocratisation. Parce que si on part de démocratisation, si on entend la démocratisation comme le fait de tendre vers une démocratie libérale où on respecte les minorités notamment, les États-Unis, avant la fin de la ségrégation, n'étaient pas une démocratie. En fait, de manière générale, je pense que la démocratisation, on en a tous besoin. On a aussi besoin de... Les États-Unis ont créé finalement la notion de lanceur d'alerte dans les années 70, à un moment où ils avaient aussi besoin d'être démocratisés. En France aussi, d'une certaine manière, on a aussi besoin d'être démocratisés. Je pense que de manière générale, le lanceur d'alerte a cet intérêt-là pour la démocratie, sans qu'on ait besoin forcément de faire appel à la notion de démocratisation qui finalement est assez post-coloniale, assez méprisante finalement envers les pays en voie de démocratisation. Par ailleurs, je parlais des deux conceptions du lanceur d'alerte, la conception managériale, la conception démocratique. Bon, il ne faut pas se leurrer, dans des pays comme la Tunisie ou comme le Pérou, les lanceurs d'alerte qui ont permis de mettre à bas les régimes sont des lanceurs d'alerte démocratiques, c'est des personnes qui ont révélé publiquement des faits. Pourtant, des dizaines d'années après les révolutions, ces États-là se sont dotés de lois de protection des lanceurs d'alerte. Mais c'est des lois de protection des lanceurs d'alerte extrêmement restreintes. De manière très récente, la Tunisie a adopté une protection des lanceurs d'alerte qui ne protège que les lanceurs d'alerte qui dénoncent la corruption sur leur lieu de travail. À l'inverse, à côté de ça, on a une association qui est très importante en Tunisie. On a des blogueurs qui sont très importants en Tunisie. Qui sont les blogueurs de Nawat. Nawat a joué un rôle très important au moment de la révolution. Ils ont révélé beaucoup d'informations sur le système Ben Ali. Pourtant, Nawat, au même moment où le gouvernement tunisien adoptait une loi de protection des lanceurs d'alerte dans le cadre de la lutte contre la corruption, au même moment, le gouvernement tunisien convoquait, harcelait beaucoup de blogueurs de Nawat parce qu'ils révélaient des secrets, notamment des secrets classé secret défense. Donc il y a une part aussi d'instrumentalisation de la notion dans le cadre des transitions démocratiques. En fait, enfin, je travaille un peu dans le cadre de la plateforme sur les lanceurs d'alerte en Afrique qui est dirigée par William Bourdon. Il y a beaucoup d'États qui nous contactent pour mettre en place des lois sur les lanceurs d'alerte, mais ils le font pas parce qu'ils pensent que le lancement d'alerte, c'est important pour la démocratie. Ils le font parce que les Américains, parce que l'OCDE, parce que différentes instances financières considèrent que la corruption est un obstacle au développement économique, est un obstacle pour les entreprises étrangères qui veulent s'installer là-bas. Donc ces entreprises étrangères, ces organisations mettent aussi la pression, demandent aussi aux États de mettre en place des protections pour les lanceurs d'alerte dans le cadre pour créer un climat favorable aux affaires. Et dans ce cadre-là, souvent, les lanceurs d'alerte démocratiques, ceux qui révèlent vraiment des faits au public, ceux qui dérangent vraiment le pouvoir, généralement ces personnes-là sont oubliées. Parce que les États, évidemment, bougent. Les États ne bougent que quand il y a l'argent en jeu, quand il y a des investissements étrangers en jeu. Donc il y a aussi une forme d'instrumentalisation dans ce cadre-là qui est indéniable. Plusieurs questions se posent naturellement quand on parle des lanceurs d'alerte, et ça on l'a bien vu, leur protection, je me demande qu'en est-il de leur protection aujourd'hui en fait. Est-ce qu'un lanceur d'alerte se sent prêt à tirer l'alarme au nom de l'intérêt général? Plus précisément, les lanceurs d'alerte sont-ils aujourd'hui, je pourrais dire, des outils, bien des acteurs pertinents pour contrôler les abus de gouvernance? C'est ça la question centrale d'aujourd'hui. Et je vais commencer par poser plusieurs questions autour de la problématique afin de mieux éclairer son enjeu. J'ai lu effectivement dans une décision de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg que la transparence et l'effectivité de la justice est un gage pour le bon fonctionnement de l'institution des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que quand on parle de leur protection, on se réfère notamment à la justice, à la transparence de la justice, au pouvoir des juges, à l'effectivité du droit. Et pourtant, cette Cour européenne des droits de l'homme décrit l'acte du lanceur d'alerte comme une action désintéressée. C'est-à-dire que, je me réfère à l'affaire Gouja contre la Moldavie. Ma question en ce sens, est-ce qu'une récompense financière, justement, du lanceur d'alerte, tel que pratiqué aux États-Unis, pourrait être aussi un moyen de renforcer et encourager son activité à côté de sa protection? Eh bien, souvent, enfin, moi je suis partisan du système américain sur ce plan-là, parce que tout simplement, enfin, dans le cadre des recherches que j'ai faites, c'est le seul système qui marche. Aujourd'hui, on a plus de 40 ans de recul sur les lois sur les lanceurs d'alerte. On a eu des lois qui ont été présentées comme des modèles, notamment la loi anglaise et un certain nombre de lois aux États-Unis. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur ces lois-là, qui ont regardé si ces lois protégeaient effectivement les lanceurs d'alerte. Le fait est que ces lois en fait ne protègent pas efficacement les lanceurs d'alerte. La loi Sarbanes-Oxley de 2002, par exemple, était présentée comme un modèle de protection des lanceurs d'alerte. 93% des lanceurs d'alerte qui ont lancé l'alerte via cette loi-là n'ont pas été protégés. En Angleterre, le Public Interest Disclosure Act de 1998 était aussi présenté comme un modèle. 70% des lanceurs d'alerte n'ont pas été protégés. Et si les lanceurs d'alerte n'ont pas été protégés, enfin la raison est finalement assez simple, c'est que souvent, dans la plupart de ces lois, on va avoir une exigence selon laquelle le lanceur d'alerte doit agir dans l'intérêt général. Alors dit comme ça, ça paraît évident. On imagine que le lanceur d'alerte doit agir dans l'intérêt général. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Le lanceur d'alerte, dans les motivations du lanceur d'alerte, il y a toujours plusieurs motivations. Quand vous lancez l'alerte, vous lancez l'alerte parce que vous voulez remédier à une violation de l'intérêt général, mais souvent vous allez aussi avoir des intérêts privés. Enfin, dans l'intérêt général, vous avez toujours l'homme a toujours un intérêt privé derrière l'intérêt général. Je peux donner deux exemples. En Angleterre, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui n'ont pas été protégés parce qu'ils avaient lancé l'alerte non seulement pour alerter le public, mais aussi parce qu'ils avaient un conflit avec leur employeur. En 2008, dans un hôpital du sud-est de l'Angleterre, des infirmières avaient dénoncé des faits très graves, des faits de pédophilie, donc quelque chose d'important, je dirais vraiment un intérêt général. On leur avait refusé la protection. Parce que par ailleurs, il y avait aussi des conflits du travail avec l'employeur en question. De la même manière, de manière beaucoup plus récente, Antoine Deltour n'a pas été protégé explicitement par le Luxembourg, par la Cour d'appel du Luxembourg, au motif qu'au moment où il avait volé les documents à son entreprise, il n'avait pas l'intention de lancer l'alerte. La Cour a reconnu que dans tous les cas, il pouvait y avoir une exemption de poursuite pour les lanceurs d'alerte, y compris quand ils volent les documents à leur entreprise pour les révéler. Mais la Cour a refusé de l'appliquer à Antoine Deltour parce qu'elle a considéré qu'Antoine Deltour n'avait pas agi dans l'intérêt général. Parce qu'au moment où il avait volé les documents, il ne voulait pas encore lancer l'alerte, il avait juste récupéré ses documents pour trouver plus facilement du travail ailleurs. Donc ça, c'est un gros problème qu'on retrouve dans la plupart des lois sur les lanceurs d'alerte. Et puis l'autre problème, c'est un problème qu'on retrouve aussi dans tout le droit de la non-discrimination, c'est l'inventivité des employeurs. En réalité, quand vous êtes un simple lanceur d'alerte, que vous gagnez, généralement c'est des cadres moyens, que vous gagnez 40 000 dollars ou 30 000 euros l'année, vous n'avez pas les mêmes moyens que l'entreprise qui a vraiment envie de garder ses secrets, qui est prêt à se payer l'inventivité de cabinets d'avocats d'affaires qui sont habitués à vraiment trouver des solutions pour défendre les entreprises. Surtout, la plupart des protections des lanceurs d'alerte sont pas efficaces parce qu'elles font appel au juge. Évidemment, la question des frais de justice, c'est très important. Dans la plupart des lois sur les lanceurs d'alerte, vous devez faire appel au juge pour faire respecter vos droits. Or, en France, saisir les prud'hommes, ça peut durer 2, 3, 4 ans. Pendant 2, 3, 4 ans, à supposer que vous ayez une décision favorable à l'issue des procédures, ce qui est pas évident, vous allez vous retrouver sans salaire, vous allez vous retrouver éventuellement harcelé, vous allez éventuellement avoir des problèmes de couple, ça, la plupart des lanceurs d'alerte ont divorcé, vous allez peut-être éventuellement devoir hypothéquer votre maison. Donc tout ça, évidemment, quand des salariés voient ce qui arrive aux lanceurs d'alerte à cause de la longueur des procédures, évidemment, ça crée un effet désincitatif pour lancer l'alerte. Et en fait, on peut continuer à examiner les lois un peu partout, mais en fait, le seul système qui marche, c'est le système américain. Le système américain, c'est basé dans le débat public, on le présente souvent comme quelque chose de très américain, de vraiment d'horrible. Mais en fait, déjà, le système américain, il est fondé sur une loi anglaise. Ça s'appelle le quitam. C'est ce qu'on appellerait en France c'est le système du private attorney, c'est-à-dire le procureur privé. C'est quelque chose qui existait en Angleterre depuis très longtemps. Et qui permet à certains citoyens, quand ils se rendent compte de fraude, de pouvoir poursuivre les auteurs de fraude au nom de l'État et de toucher une partie de 10 à 30% des sommes qui sont retrouvées par l'État, qui sont perdues par l'État. Si vous dénoncez une fraude fiscale, que la fraude fiscale s'élève, à 100 milliards de dollars, dans le cadre du False Claims Act de 1863, vous pouvez toucher 10% des sommes recouvrées par l'État. Si l'État récupère 1000 milliards de dollars, vous touchez 100 milliards de dollars. Et donc ça marche, c'est redoutable, ça marche extrêmement bien, parce que quand il y a de l'argent, il y a des cabinets d'avocats qui se mettent sur le coup, il y a des cabinets d'avocats aux États-Unis qui ne font que ça. Quand vous avez autant d'argent en jeu et que vous êtes lanceur d'alerte, vous allez avoir tout de suite, bizarrement, beaucoup plus de soutien dans votre démarche. Donc les lanceurs d'alerte qui lancent l'alerte, qui sont rémunérés par ce biais, vont avoir beaucoup plus de moyens pour faire face à leurs employeurs. Et en pratique, c'est efficace quand vous avez la garantie de toucher des millions d'euros à l'issue de ce que vous faites. Déjà, vous avez plus l'envie de lancer l'alerte, mais surtout, vous allez être plus soutenu et vous allez vraiment avoir les moyens de faire face, encore une fois, à des entreprises qui sont capables d'embaucher des avocats, d'embaucher des juristes, de faire appel à une disproportion de moyens pour vous faire taire. Alors souvent, l'objection à ça, c'est que c'est immoral. Enfin, moi, à ça, on peut répondre très simplement qu'en fait, ce qui est immoral, c'est pas tant de rémunérer les lanceurs d'alerte, mais c'est plutôt de promettre aux lanceurs d'alerte une protection tout en sachant qu'ils ne l'auront jamais. Enfin, pour moi, c'est l'état de ma réflexion, on est là, quoi. J'ai une petite question d'ailleurs par rapport à l'élément que tu viens de donner, aux aspects que tu viens de donner par rapport aux États-Unis, mais qui pourrait être une question plus large sur d'autres pays ou d'autres. La possibilité qu'on donne de poursuivre le renforcement, la protection, le cadre juridique, voire la récompense à des lanceurs d'alerte, est-ce que ce n'est pas quand même le moyen de valider l'existence des éléments révélés justement par les lanceurs d'alerte, éléments problématiques puisque les lanceurs d'alerte vont jusqu'à se mettre en danger pour les révéler, et le maintien justement, alors ici d'un régime de dictature, voire, et c'est un peu plus le cas aux États-Unis, un système économique, je vais dire ultra-libéral, que certains peuvent considérer comme injuste. Là, je cite un peu les porteurs de projets qui animent un peu le collectif dans le cadre de Relevons la tête, qui considèrent effectivement qu'il y a un cadre social qui est défavorable au plus grand nombre aujourd'hui, peut quand même relativement considérer que celui des États-Unis est un petit peu celui-là. J'évite d'émettre un propos à l'instant où je parle. Hein. Je reprends un peu ce qui a été entendu à divers moments. Donc voilà, n'est-ce pas le moyen quand même de valider des éléments révélés par les lanceurs d'alerte, de dire oui, ça existe, et de plutôt que de changer ces éléments-là, ces systèmes économiques pouvant être considérés comme injustes, que c'est pas les maintenir, peut-être de dévier la question en développant une protection ou un cadre juridique, voire une récompense de ces lanceurs d'alerte. Est-ce qu'on résout vraiment les problèmes à la base, selon toi ? Alors, il y a deux éléments de réponse. Enfin, je dirais oui et non. Je dirais oui, évidemment. La notion même de lanceur d'alerte est faite un peu, enfin, dépolitise un peu la question de la désobéissance. Je veux dire, le lancement d'alerte, ça naît dans le cadre de la désobéissance civile, mais tout de suite, à partir du moment où vous procéduralisez la désobéissance, où vous le validez par le droit, évidemment, vous légitimez un système. Vous faites croire au public que grâce aux lanceurs d'alerte et grâce à la supposée protection qu'on leur accorde, les problèmes vont peu à peu être résolus. Alors qu'effectivement, c'est pas parce qu'on met en place une loi de protection des lanceurs d'alerte que le système économique va... Pardon, je te coupe, Jean-Philippe. Je précise juste, pardon de t'interrompre. Je précise que mon problème n'est pas d'améliorer la protection. Hein. Mon problème est de me dire, est-ce qu'on résout les vrais problèmes en améliorant la protection des lanceurs d'alerte, hein. C'est ça le. C'est évident qu'on ne résout pas les problèmes d'ailleurs. Est-ce qu'on dévie pas un peu les voilà. Les... Alors moi je pense pas qu'on dévie parce que je pense qu'il faut aussi pas oublier que il y a quand même aux États-Unis comme ici il y a quand même une lutte entre enfin il y a quand même en partie une lutte pour la régulation, il y a quand même un certain nombre de personnes y compris dans l'administration fédérale américaine qui sont à la tête de programmes qui cherchent quand même à résoudre la question de la fraude fiscale, et donc dans ce cadre-là le lancement d'alerte est utile, ça a permis de récupérer des milliers des milliers de milliards de dollars en 40 ans. Donc il y a quand même une volonté de lutter contre la fraude fiscale qui en elle-même est indéniable. Même de manière générale, même en Europe, il y a quand même un certain nombre d'États qui ont pris des initiatives fortes dans ce sens-là. Après, le lanceur d'alerte n'est pas là. En tout cas, le lanceur d'alerte, tel que l'entendent les lois sur les lanceurs d'alerte, est de toute façon pas là pour changer le système. Le lancement d'alerte, c'est en quelque sorte, c'est le pansement. C'est une forme de pansement, évidemment. C'est pas les révélations du lanceur d'alerte qui vont par elles-mêmes résoudre des problèmes de structure. Les problèmes de structure, c'est tout simplement la mobilisation populaire, c'est la politique qui les résout. Après, certaines variantes de lancement d'alerte, comme des lancements d'alerte vraiment désobéissants, comme Edward Snowden, peuvent sur le long terme résoudre les problèmes. Il y a un sociologue français qui disait que le lancement d'alerte, en quelque sorte, c'est une prophétie déréalisatrice. C'est-à-dire, vous dénoncez quelque chose pour faire qu'à l'avenir, le futur sombre que vous prévoyez ne se réalise pas. Et l'exemple d'Edward Snowden est assez bon parce que finalement, suite aux révélations d'Edward Snowden, il y a eu un certain nombre de simples citoyens ou de membres de la société civile qui sont mobilisés sur la question de la vie privée. On a obtenu quand même un certain nombre d'avancées sur le plan juridique. C'est peut-être pas suffisant. Mais le paradoxe, c'est que les lanceurs d'alerte qui permettent vraiment de changer le système sur le long terme sont les lanceurs d'alerte qui ne bénéficient pas d'une protection. Donc évidemment, la protection des lanceurs d'alerte, c'est là pour faire croire qu'on lutte contre quelque chose, alors qu'en réalité, effectivement, on n'a pas forcément envie que la fraude fiscale s'arrête. La fraude fiscale est organisée par les États. Le fait qu'il y ait encore des paradis fiscaux, ça veut dire que la fraude fiscale est organisée par les États. Donc, en quelque sorte, on fait croire au peuple qu'on lutte via les lanceurs d'alerte contre la corruption, alors que, en fait, c'est pas forcément le cas. Donc, évidemment, et encore une fois, moi, je reconnais tout à fait que dans la notion même de lanceur d'alerte, il y a une forme de manipulation aussi de l'opinion publique. Il y a une forme d'instrumentalisation de ces personnes-là pour permettre aux gouvernants de tout simplement de faire croire qu'ils font leur travail alors qu'ils ne le font pas forcément. Parlons maintenant d'un éventuel statut européen, puisqu'on se trouve dans un conflit des États. Un statut international du lanceur d'alerte, ça a été évoqué par certaines associations. Je vais exposer un cas qui souligne les enjeux de cette idée afin qu'on la comprenne de façon plus claire. L'idée d'un statut international a été discutée en rapport avec les fraudes bancaires qui ont eu lieu à Moldavie, surtout depuis 2012. Moldavie, c'est un État de l'Est de l'Europe. Qui sert aussi de structure d'opérations économiques illicites pour ses voisins, notamment pour la Russie. Donc on peut penser à des paradis fiscaux, ça se rapproche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les préjudices qui sont liés à des fraudes bancaires s'élèvent à plus d'un milliard de dollars pour une population qui est caractérisée par la presse internationale comme étant la plus pauvre d'Europe. Ces montants ont été reportés sur le dos des contribuables. Le plus étonnant, c'est que le Parlement a décidé d'adopter une loi selon laquelle les pertes liées à ces fraudes bancaires seront reportées sur le dos des contribuables. Donc, un des principaux lanceurs d'alerte à l'époque, Vyacheslav Ionitsa, était président de la commission parlementaire. Donc un homme politique, président de la commission du budget et des finances et de l'économie. Étant donné le nombre et le rang, donc je révèle un peu des détails de ce scandale, le nombre et le rang des personnes impliquées dans le schéma de fraude, ce n'est pas étonnant le fait qu'il ait subi des menaces lorsqu'il a voulu dénoncer une anomalie dans le système bancaire. On lui a proposé d'autres fonctions afin de l'écarter de cette affaire. Il a dû faire face à une dizaine de procès pénaux intentés par des personnes du même parti politique que lui. Donc, d'autres détenteurs d'informations sur les fraudeurs ont toujours peur de se manifester, d'autant plus que certaines personnes proches du pouvoir, soupçonnées d'être impliquées dans ce vol, sont toujours en liberté. Encore aujourd'hui, ces fraudes bancaires n'ont pas cessé. J'imagine que c'est la même situation dans d'autres États, dont Luxembourg. En dépit des lois antifraude, le poids de la corruption fait comprendre que la simple adoption des lois n'est pas une solution suffisante. Et en cela, je réponds aussi un peu à la question de Gaël, c'est-à-dire que l'adoption des lois, l'adoption des statuts n'est pas en soi une solution miracle à un changement radical de notre système et une volonté de vouloir améliorer le statut des lanceurs d'alerte. Étant donné le fond d'un système qui est injuste, peut paraître un peu aussi contradictoire. Cependant, on peut aussi espérer que l'amélioration de la protection de lanceurs d'alerte peut aussi provoquer en fait une colère de la population qui pourrait mener vers un changement radical. Je pense que le lanceur d'alerte est plutôt un assistant qu'un acteur principal vers la voie de mener des changements radicaux. Mais donc, à l'époque, Vyacheslav Ionitsa a été confronté à une absence de protection effective en tant que lanceur d'alerte, et aussi à la passivité des administrations qui ont beaucoup coopéré afin de nier cette affaire, de la minimiser, de la rendre invisible. Une des recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est de faire appel directement au public, à la presse, dans le cas où c'est la seule solution envisageable. Et ici, on peut évoquer aussi l'exemple de Snowden, parce que je pense que dans cette circonstance-là, étant donné que tout un système était impliqué, la seule solution, c'est de faire appel au public. Donc, c'est ce que Vyacheslav Ionitsa a fait avec tact. Donc, d'ici ma question, devrait-on prendre en considération un éventuel statut européen ou international du lanceur d'alerte? Donc, dans la mesure où, parfois, c'est la seule solution, c'est faire appel au public. Donc, est-ce que c'est un projet souhaitable? Je suis peut-être un peu normand, mais je dirais encore une fois oui et non. Oui, dans l'état actuel, non. Je travaille aussi un peu avec les associations qui poussent vers une directive de l'Union européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Pour l'instant, les réflexions ne sont pas du tout convaincantes. C'est-à-dire, encore une fois, on adopte une conception extrêmement restreinte du lancement d'alerte, où vraiment le lancement d'alerte doit être un salarié d'une organisation qui doit dénoncer des faits de corruption. Très bien, c'est très bien de protéger ces personnes-là, c'est effectivement évidemment nécessaire. Beaucoup d'affaires, notamment de pollution, par exemple, ont été révélées par des lanceurs d'alerte qui étaient de simples riverains. Qui dénonçaient des risques environnementaux. Ces personnes-là ne seraient pas protégées dans le cadre de la directive actuelle telle qu'elle se profile. Il y a un autre souci, enfin il y a même deux soucis s'agissant d'un statut européen. C'est un souci qui est lié à la manière dont fonctionne la Commission européenne et au droit européen en lui-même. Le droit européen en lui-même, déjà, l'Union européenne a des compétences limitées, elles sont listées par les traités. L'Union européenne n'est pas un super-État, elle n'a pas une compétence générale de protection des lanceurs d'alerte. Donc déjà, le principal débat au niveau de la Commission européenne actuellement, c'est vraiment de savoir quel article du traité utiliser pour protéger les lanceurs d'alerte. On peut mettre en place une vingtaine de directives pour protéger les lanceurs d'alerte qui dénoncent la discrimination, une autre directive pour protéger les lanceurs d'alerte qui dénoncent de la corruption. Ça correspond à chaque fois à des articles différents du traité qui listent les compétences de l'Union européenne. Le problème, c'est que la parcellisation de la protection des lanceurs d'alerte, généralement, ça nuit à la protection des lanceurs d'alerte. Autre chose, bah, la Commission européenne, il y a beaucoup de lobbies. Actuellement, il y a une direction au sein de la Commission européenne, la direction de droits fondamentaux, qui pousse pour la protection des lanceurs d'alerte. Il y a aussi un certain nombre de membres du Parlement, notamment Virginie Rozière, qui cherche à pousser à la protection des lanceurs d'alerte. Le problème, c'est que le Parlement européen, qui est l'instance la plus démocratique au sein de l'Union européenne, n'a quasiment pas de pouvoir, on va pas se le cacher. Et il y a aussi, ça c'est plus invisible, mais au sein de la Commission européenne, les différentes directions n'ont pas le même pouvoir. La direction droits fondamentaux, qui est pour une protection globale du lanceur d'alerte, n'a pas la même vision que la direction générale concurrence, qui elle va vouloir une protection des lanceurs d'alerte, mais uniquement ceux qui dénoncent certaines distorsions de concurrence. Donc à mon avis, pour ces raisons-là, et aussi pour l'influence des lobbies, on n'aura pas de directive. Et la Commission européenne n'est pas élue. La Commission européenne n'est pas élue, il n'y a pas de transparence sur les lobbies qui travaillent à la Commission européenne. Il y a des lobbies associatifs dont je fais partie d'une certaine manière, mais en face, quand on a des entreprises comme Monsanto ou des entreprises de ce type-là qui mettent en place des moyens de lobbying sur cette question de protection des lanceurs d'alerte, bah évidemment, vous allez retrouver avec une mauvaise loi. Or, en général, moi, je dis qu'il vaut mieux pas de protection du tout qu'une mauvaise protection. Je m'explique, en fait, aux États-Unis, l'association qui protège les lanceurs d'alerte, qui est une association de gens très bien, a constaté qu'en fait, aux États-Unis, on est à la troisième génération de lois et la protection des lanceurs d'alerte ne s'est pas améliorée. En fait, ils appellent ça les protections de carton, c'est-à-dire des protections qui font croire aux lanceurs d'alerte qu'ils auront une protection, mais qui les exposent à des risques de représailles systématiques. Et c'est d'autant plus vrai en Europe qu'il vaut mieux pas de loi du tout qu'une mauvaise loi, que, en fait, vous êtes à parler, Roman de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, elle a une jurisprudence qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même une jurisprudence qui est fondée sur les droits fondamentaux, qui est fondée sur le droit à la liberté d'expression, qui prévoit quand même une protection assez large du lanceur d'alerte. Or, le problème, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme considère que son rôle n'est pas de se substituer aux États, et donc la Cour européenne des droits de l'homme va être beaucoup plus exigeante à l'égard d'États qui n'ont pas formellement de loi sur les lanceurs d'alerte que ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que je pense que la loi SAPA 2 sur la protection des lanceurs d'alerte est une mauvaise nouvelle pour les lanceurs d'alerte, parce qu'on aurait pu faire progresser la protection des lanceurs d'alerte en France via la Cour européenne des droits de l'homme, ça aurait pris du temps. Mais là, si on veut saisir la Cour européenne des droits de l'homme de cas de lanceurs d'alerte, la Cour européenne des droits de l'homme va être beaucoup moins vigilante parce qu'elle constatera qu'il y a déjà une loi de protection des lanceurs d'alerte. Or, cette loi est très mauvaise. Donc c'est pour ça que je pense souvent qu'il vaut mieux pas de loi du tout qu'une mauvaise loi. Après, il y a une autre solution, ce serait d'avoir une convention internationale sur les lanceurs d'alerte. Le problème, c'est que ça n'aboutira jamais. En droit des étrangers, on a un très bon outil qui est la Convention sur le droit des travailleurs migrants, qui prévoit vraiment des vrais droits pour les étrangers, notamment pour les travailleurs étrangers. Cette convention-là, c'est une convention qui fait rêver tous les défenseurs des droits des étrangers. Elle est super. La plupart des défenseurs des étrangers en France, en Allemagne, adoraient pouvoir l'invoquer. Mais elle n'est pas invocable parce que les États du Nord ne l'ont pas signée, parce que c'est évidemment pas dans leur intérêt de la signer. Il n'y a que des États du Sud qui ont signé cette convention. Or, évidemment, c'est surtout dans les États du Nord qu'on va avoir besoin d'avoir des droits pour les personnes qui migrent, parce que les personnes migrent surtout vers le Nord. Et à mon avis, même si on arrive à surmonter les divergences et à faire une convention, mettons, de l'ONU sur la protection des lanceurs d'alerte, le lanceur d'alerte dérange les gouvernants, elle dérange les agences de renseignement, les personnes qui mettent en place les états d'urgence quand on révèle quand on révèle le secret de la défense nationale, elle dérange les entreprises parfois proches du pouvoir. Donc évidemment les états les premiers concernés, donc les états du Nord, à mon avis, ne signeraient pas une convention vraiment protectrice des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, je finis là-dessus, le Conseil de l'Europe avait envisagé de faire une convention vraiment protectrice des lanceurs d'alerte à l'échelon européen. Ça a été abandonné au bout d'un mois parce que les États ont évidemment trop de divergences sur le contenu de la protection qu'on doit accorder aux lanceurs d'alerte. Il y a évidemment trop d'intérêts en jeu. Donc en fait, c'est plutôt au niveau des mobilisations nationales qu'on peut vraiment chercher à mettre en place une protection des lanceurs d'alerte. Ça n'empêche pas de se coordonner. D'ailleurs, la Fédération des syndicats au niveau de l'Union européenne s'est coordonnée. Enfin, on peut avoir des mobilisations de la société civile qui permettent dans les États, petit à petit, de mettre en place de la protection des lanceurs d'alerte. Mais c'est comme toutes les mobilisations, ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine, ça peut durer des dizaines d'années. Merci Jean-Philippe. Jusqu'ici, nous avons eu l'impression que les lanceurs d'alerte n'étaient point impliqués dans des actes de corruption. Nous avons évoqué une image de lanceurs d'alerte, de citoyens honnêtes. Or, nous avons aussi des lanceurs d'alerte qu'on appelle ni traîtres ni prêtres. C'est-à-dire qu'il s'agit des personnes qui ont été auparavant impliquées dans des actes illégaux et qui n'ont pas vraiment montré patte blanche et qu'à un moment, ils sont décidés d'adopter ce statut de lanceur d'alerte. Aurez-vous des exemples en ce sens ? Je ne veux pas balancer non plus, mais oui, il y a beaucoup d'exemples. L'exemple en Israël de l'association Break the Silence, qui, alors je ne sais pas si on peut les qualifier de manière vraiment rigoureuse juridiquement de lanceurs d'alerte, mais c'est des personnes qui dénoncent les maltraitances, dénoncent les actes commis par, contraires au droit international humanitaire, qui sont commis par l'armée israélienne. En quelque sorte, c'est plutôt des objecteurs de conscience que des lanceurs d'alerte, mais malgré tout, la question se pose. De leur participation à ces mêmes actes. Ces personnes-là ont fait leur service militaire, elles ont aussi, avant de dénoncer les actes, elles y ont participé. Stéphanie Gibault, qui est quelqu'un de bonne foi, elle a dénoncé notamment ce que faisait UBS, là, cette banque suisse, sur la fraude fiscale. Elle s'en est accommodée pendant 20 ans, donc elle y a aussi participé. Alors, est-ce qu'il faut exiger que le lanceur d'alerte ne participe pas au fait qu'il dénonce, c'est complètement absurde, parce que l'intérêt du lancement de la liberté d'expression du lanceur d'alerte, c'est qu'il permet d'avoir accès à des informations auxquelles seul un petit nombre de personnes ont accès. Et généralement, ces personnes-là, ces lanceurs d'alerte ont accès à une information parce qu'elles sont employées dans une entreprise et donc qu'elles participent aussi à la mise en place de ces activités. Donc si dans une loi, vous exigez que le lanceur d'alerte n'ait pas lui-même participé à ce qu'il dénonce, vous supprimez toute forme de protection des lanceurs d'alerte. Edward Snowden, on le voit d'ailleurs dans le film, j'oublie toujours le nom de ce réalisateur, mais dans le récent film sur Snowden, on voit d'ailleurs qu'Edward Snowden, au début, a largement participé à la mise en place du programme de surveillance américain. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'il n'est pas de bonne foi et qu'il ne faut pas le protéger ? C'est absurde. Moi, je pense qu'il faut du pragmatisme dans le bon sens du terme. C'est qu'il faut vraiment protéger les personnes pour ce qu'elles révèlent et pas pour ce qu'elles sont. Enfin, moi, je m'en fiche totalement de savoir ce qui est Edward Snowden. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a révélé. Si vous êtes dans un amphithéâtre à l'université de Nanterre et qu'il y a une alerte au feu, la première réaction, c'est que vous allez courir pour vous protéger. Vous n'allez pas vous demander qui a sonné l'alerte. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut un peu de pragmatisme. Il faut vraiment se focaliser sur le message plutôt que sur le messager. La stratégie de se focaliser sur le messager, c'est la stratégie des entreprises, c'est-à-dire de décrédibiliser, c'est-à-dire de dévier l'attention sur le message et la gravité des faits dénoncés pour focaliser l'attention sur celui qui dénonce. Et ça, c'est une stratégie, c'est une simple stratégie pour moi, c'est pas une exigence démocratique. Enfin, on voit aujourd'hui beaucoup d'associations, de think tanks qui préparent leurs études et leurs projets sur les lanceurs d'alerte. Et je me demande, devrait-on avoir un régime spécial qu'on avait discuté jusque-là, destiné aux lanceurs d'alerte, ou suffit-il simplement de renforcer les droits existants comme la liberté d'expression sans pour autant créer une structure spécifique pour les lanceurs d'alerte ? Est-ce que tout est dans le statut de lanceur d'alerte ? Moi, ma position personnelle, c'est que le lancement d'alerte, c'est un droit de l'homme. Enfin, le lancement d'alerte, c'est la liberté de conscience, c'est votre liberté de vous dire que quelque chose est immoral, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression et la liberté de conscience, elles existent quoi qu'il arrive. Je veux dire, personne ne peut vous empêcher de penser, personne ne peut vous empêcher de vous exprimer. Donc pour moi, la protection des lanceurs d'alerte, elle va aussi dans le sens... Elle ne peut. Vous pouvez mettre en place le. On peut mettre en place. Les États peuvent mettre en place le nombre de lois qu'ils veulent. En fait, tant que le droit à la liberté d'expression n'est pas vraiment respecté, qu'on ne va pas jusqu'au bout du droit à la liberté d'expression, on n'aura pas de vraie protection des lanceurs d'alerte. Donc pour moi, à mon avis, il faut protéger pas uniquement les lanceurs d'alerte, mais aussi toutes les personnes qui s'expriment en public dans l'intérêt général ou pour exprimer une opinion politique. Donc il faudrait protéger les lanceurs d'alerte, mais aussi les objecteurs de conscience, aussi les désobéissants, aussi même des plateformes comme Wikileaks d'une certaine manière. En réalité, la vraie question, c'est de savoir comment rendre effectifs les droits de l'homme et comment rendre effectif le droit à la liberté d'expression. Et quand on parle d'effectivité, il y a aussi la question de l'implication, l'implication de la société civile et des conditions sociales dans lesquelles s'inscrit la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas un grand idéal, c'est pas un grand idéal philosophique, enfin c'est aussi un idéal philosophique, mais c'est aussi une réalité concrète. Vous pouvez avoir le droit à la liberté d'expression si vous n'avez pas accès aux médias, parce que les médias sont détenus, des grandes entreprises. Vous pouvez pas exercer votre liberté d'expression. Donc en réalité, il faut un changement politique global pour que la liberté d'expression soit vraiment complète. Et pour moi, en fait, tant qu'il n'y a pas cet effort-là qui est fait, on ne peut pas prétendre vraiment protéger les lanceurs d'alerte. Il y aura toujours un décalage entre les lois de protection des lanceurs d'alerte et la réalité du lancement d'alerte. Parlons justement de la réalité du lancement d'alerte. Parlons des représailles contre les lanceurs d'alerte. Est-ce que le droit, donc si j'ai bien compris, le droit à lui seul n'est pas suffisant pour protéger les lanceurs d'alerte? Dans quelle mesure le soutien public ou même le soutien de la société civile, aujourd'hui, en fait, influence-t-il le verdict, influence-t-il la position du lanceur d'alerte? Le public, c'est tout, en fait, pour le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte qui réussit, c'est celui qui arrive à vraiment susciter la réaction du public. Et de manière générale, sur la question de la société civile, les progrès en termes de droit, mais aussi en termes de protection des lanceurs d'alerte dans les faits, aux États-Unis comme en Europe, ils ont été réalisés que par l'action d'associations. Aux États-Unis, qui est quand même un modèle en matière de protection des lanceurs d'alerte, je ne dis pas que les États-Unis sont un modèle de manière générale, mais sur cette question, ils ont une longueur d'avance sur nous. Si on a mis en place des lois de protection des lanceurs d'alerte, c'est parce qu'il y a une structuration de la société civile. Il y a un groupe qui s'appelle le Government Accountability Project, GAP, qui existe depuis 40 ans, qui s'est vraiment structuré, qui a vraiment systématiquement soutenu les lanceurs d'alerte, et c'est vraiment ce groupe-là qui a permis d'améliorer la protection des lanceurs d'alerte. C'est pareil en Angleterre, il y a aussi une fondation très importante qui a permis de faire avancer la protection des lanceurs d'alerte. En fait, le lanceur d'alerte tout seul ne peut pas faire avancer sa propre cause. En réalité, il n'y a pas un... Généralement, quand on parle de lanceur d'alerte, on va penser à l'individu, au héros qui va se lever lui-même, seul contre tous, et qui va lancer l'alerte. En fait, les lanceurs d'alerte qui réussissent, c'est des lanceurs d'alerte qui ont été soutenus. C'est des lanceurs d'alerte qui ont été soutenus individuellement, mais c'est aussi des lanceurs d'alerte pour lesquels il y a eu des associations qui ont assuré en quelque sorte le service après-vente de l'alerte. Aux États-Unis, par exemple, la fondation dont je parlais, elle ne se contente pas de protéger les lanceurs d'alerte, parce que l'intérêt du lancement d'alerte, ce n'est pas que le lanceur d'alerte, mais elles vont aussi enquêter sur les faits qui sont dénoncés. Notamment, cette association-là a beaucoup enquêté sur des défaillances de certaines centrales nucléaires, notamment la centrale nucléaire d'Anford, et ça a conduit à fermer ces centrales nucléaires. Donc, tant que vous n'avez pas des associations, des syndicats qui se saisissent non seulement de la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi du devenir de l'alerte, du fait que l'alerte puisse réussir dans le sens où on va fermer une centrale nucléaire si l'alerte porte sur des défaillances d'une centrale nucléaire. Mais tant qu'il n'y a pas cette mobilisation-là, aucune loi ne peut être efficace. On peut prendre l'exemple de la Jamaïque. La Jamaïque a une des meilleures lois au monde sur le papier. Elle est superbe. Elle a été faite par des universitaires britanniques qui pensaient très bien. Pourtant, les lanceurs d'alerte là-bas ne sont pas du tout protégés parce que la loi ne marche pas du tout, parce qu'il n'y a pas de mobilisation de la société civile. Il n'y a pas encore de soulèvement du peuple contre la corruption. À l'inverse, vous pouvez avoir des lois très mauvaises qui finalement fonctionnent assez bien parce qu'il y a le soutien de la société civile. La loi anglaise est plutôt mauvaise sur le papier, mais il y a des fondations qui défendent les lanceurs d'alerte, qui alertent l'opinion et qui donc font finalement que les lanceurs d'alerte sont mieux protégés en Angleterre qu'en Jamaïque. Donc la société civile, c'est en réalité l'essentiel. Le droit, c'est la protection des lanceurs d'alerte par le droit, c'est une première étape. Mais si le droit n'est pas mobilisé par la société civile, ça ne sert à rien. Merci Jean-Philippe. Imaginons maintenant un scénario. Ma question est plutôt compliquée, je pense. Imaginons que vous êtes des législateurs et qu'on vous pose la question à savoir ce qu'il faut faire pour renforcer l'institution du lanceur d'alerte aujourd'hui en France. Quelles seraient vos premières mesures adoptées afin de mieux protéger les lanceurs d'alerte? Alors, ça serait déjà très étonnant, qu'on me nomme à ce type de poste. Mais enfin, j'adorerais. Alors, si c'était le cas, ce que je ferais, c'est tout simplement que j'abrogerais tout simplement la loi Sapin 2, qui pour moi est une mauvaise loi. Je mettrai en place une loi tout simplement fondée sur les recommandations du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire une loi qui protège vraiment tous les lanceurs d'alerte, une loi qui mettent en place des procédures vraiment solides pour lancer l'alerte dans les entreprises, qui donnent vraiment notamment des pouvoirs aux syndicats pour lancer l'alerte dans les entreprises, des pouvoirs aux syndicats pour défendre les lanceurs d'alerte sur le lieu de travail. J'augmenterai radicalement le budget des autorités administratives indépendantes qui seront amenées à traiter l'alerte, et j'assouplirai tout simplement le droit de la presse pour que les lanceurs d'alerte qui ont vraiment des choses à dire, notamment les lanceurs d'alerte qui travaillent dans le secteur du renseignement, puissent vraiment lancer l'alerte auprès du public, puissent vraiment alerter le public. Mais surtout, je le ferai avec la société civile, enfin, je irai consulter les syndicats, je lancerai l'alerte moi-même sur la protection des lanceurs d'alerte. Parce qu'une bonne loi, une bonne protection des lanceurs d'alerte, à la base, il y a toujours une mobilisation de la société civile et une consultation des personnes qui, au quotidien, peuvent être lanceurs d'alerte ou travaillent avec les lanceurs d'alerte. Donc, je n'écrirai pas ma loi tout seul pour la présenter au Parlement. Et, enfin, ça m'étonnerait que Emmanuel Macron, encore une fois, me nomme chargé des lanceurs d'alerte. On l'espère. Nous arriverons à la fin de notre émission. Nous avons encore 2-3 petites minutes. Aurais-tu d'autres aspects importants qui n'ont pas été traités dans cette présentation ou... Pas particulièrement. On pourrait encore parler très longtemps de la notion de lanceur d'alerte. Je pense que... voilà, enfin, je pense simplement, enfin, je peux parler de peut-être d'Edward Snowden. Enfin, on peut peut-être rappeler, peut-être qu'il faudrait une mobilisation pour Edward Snowden, pour que celui-ci ait l'asile en France ou en Allemagne, parce que sa situation est de plus en plus compliquée en Russie. Si son permis de séjour en Russie n'est pas renouvelé, il sera expulsé vers les États-Unis. Il fera face à un procès qui ne sera pas un procès équitable, parce que la loi sur l'espionnage de 1917 aux États-Unis est une loi qui était faite pour traquer les communistes, donc qui est une loi qui en fait est vraiment une loi martiale qui ne présente pas les garanties suffisantes pour lui permettre de se défendre. Donc peut-être qu'il faudrait interpeller dès à présent l'Allemagne et la France notamment sur la nécessité de donner l'asile à Edward Snowden. Merci Jean-Philippe. C'est un beau symbole. Pour ta participation, c'est une très bonne remarque à mon avis. J'espère que le président prendra en compte J'en suis cette sûr. Proposition. Nous sommes la Ligue des droits de l'homme, section Université Paris-Nanterre. Je remercie le public pour son attention. Je remercie Gaël Laurent, l'animateur de l'Agora, qui a pu rendre notre projet réalisable et qui l'a bien rendu. Vous pourrez envoyer vos questions sur notre adresse mail ldhparis10@gmail.com en lettres. Donc tout en lettres, ldhparis10@gmail.com, et je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les deux, à Jean-Philippe pour son éclairage, merci à Roman encore une fois sur le portage de projet. Je pense que les acteurs locaux qui ont œuvré à ce projet Relevons la tête saison 2 seront ravis notamment de ta conclusion du souci d'associer vraiment la société civile sur le fait d'évoluer sur ces questions-là, et notamment les acteurs sociaux, je vais le dire comme ça aussi. Je pense que c'est une conclusion rêvée pour les acteurs du projet Relevons la tête. N'hésitez pas à réagir sur donc les coordonnées liées à la LDH que Roman vient de donner. Vous pouvez également réagir directement sur Radio Agora. On fait tous les deux notre popote, hein, Roman, hein, désolé, l'un après l'autre. Vous pouvez également réagir directement sur Radio Agora, poursuivre le débat en proposant une initiative publique à l'Agora ou avec l'Agora n'importe où sur la ville. Rendez-vous est donné à Roman et ou aux habitants. Vous pouvez également participer au collectif d'animation donc, hein, du projet Relevons la tête saison 3. Celui-ci se réunira d'ici fin 2017 pour préparer la saison 3 donc en 2018. Vous pouvez également écrire sur Radio Agora donc, ou sur agora@mairie-nanterre.fr. Vous pouvez également venir à l'Agora, discuter des projets, amener des idées, vouloir discuter avec la LDH ou autre. Nous vous accueillerons en semaine de 14h à 18h. Des infos sur les projets de l'Agora sont également disponibles sur facebook.agora/nanterre.agora. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes à l'écoute de Radio Agora.